بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Nous continuons, bi'idhnillah, notre explication du tafsir de Sourate Al-Alaq. Nous sommes arrivés à la dernière partie de la Sourate que nous allons terminer aujourd'hui, bi'idhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans cette Sourate après avoir révélé les cinq premiers versets qui sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après avoir mentionné l'attitude de Abu Jahl lorsqu'il a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. كَلَّا, on l'a déjà vu dans quelle sourate? Hein? Le Hudama, c'est pas une sourate. Al-Humaza, non. Al-Humaza, كَلَّا. أن كلا هذا بمعنى حقا ويحتمل أن تكون لردع أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici كلا, il a le sens de حقا, يعني en vérité. En vérité. Il est possible qu'ici, il a le sens de réprimande, pour réprimander. C'est-à-dire pour réprimander l'agissement, le mauvais agissement de qui? De Abu Jahl. D'Abu Jahl. Qu'il a dirigé en direction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut vouloir dire les choses, les deux. La nasfa'am bin nasiya. La nasfa'am ay la na'ghudanna bi shidda. Donc nous allons le saisir avec force. La nasfa'an, nous allons le saisir avec force. Bin nasiya. Al nasiya muqaddam al ras. Al nasiya, c'est quoi? C'est le haut de la tête ici, ce qu'on appelle en français le front, le toupet, ils appellent ça le toupet ici. Par ici, le haut, le toupet, ils traduisent ça par le toupet. Yani, muqaddam al-ras. Wal murad bin nasiya huna, nasiyatu Abi Jahl, alladhi tawa'ada an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, ala salatihi wa nahahu anha. Et le sens ici, c'est quoi? C'est le toupet de qui? De Abu Jahl. La'natullah alayhi. Celui qui intimidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière et qui l'empêchait de faire sa prière. Ayla nasfa'an bin nasiyatihi. C'est-à-dire, on va le prendre avec, on va le saisir avec force par son toupet. Wa hal al-murad al-aghd bin nasiyah, في الدنيا أو في الآخرة يجر بناسيته إلى النار. Et le sens ici, quel est le sens ici? Est-ce que le sens est qu'il va être saisi, va être pris par son toupet dans la dunya, ou alors dans l'akhira, il va être pris par hein, sa tête et ils vont le jeter en enfer? Yahtamilu hadha wa hadha. Il est possible que ce soit ceci dans la dunya ou que ce soit dans l'akhira. Yahtamilu annahu yu'khadhu bin nasiya وقد أخذ بناصيته وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين. En effet, il est possible que ça soit dans la dunya. Et en effet, il a été pris par son toupet lors de la bataille de Badr, lorsqu'il fut tué parmi ceux qui ont été tués parmi les mushrikin. Et concernant la mort d'Abu Jahl, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu nous rapporte, comme il est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, بين انا واقف في الصف يوم بدر, alors que j'étais debout dans le rang lors de la bataille de Badr. فنظرت عن يميني عن يميني وعن شمالي. J'ai regardé à ma droite et j'ai regardé à ma gauche. فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديث أسنانها تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. Il a dit, j'ai regardé à ma droite dans le rang, imaginez-vous, il y a les rangs pour la guerre. Abdurrahman ibn Auf, il regarde à sa droite et il regarde à sa gauche et il voit deux jeunes Ansar, très jeunes, ils sont jeunes, et il dit, j'espérais avoir leur force, avoir leur d'être costaud comme eux. فرمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل. Alors un d'eux m'a saisi la main et m'a appelé. Il dit, oh mon oncle, par respect en arabe, quand on va appeler quelqu'un qui est plus âgé, par respect on l'appelle يا عم, يا عمي, يعني le frère de mon père. Est-ce que tu connais Abu Jahl? قلت نعم. ما حاجتك إلي يا ابن أخي. Il a dit, oui, je le connais. Mais qu'est-ce que tu lui veux, ô fils de mon frère? Hein, en arabe, quand tu t'adresses à quelqu'un qui est plus jeune que toi, tu l'appelles ibn Akhi, le fils de mon frère, hein, mon frère fillah, mon frère en Allah, en islam. Hein? قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي وسواده أو سواده حتى يموت الأعجل منا. Il a dit, ce jeune Ansar, j'ai entendu, on m'a rapporté qu'il insulte le messager d'Allah par celui qui détient mon âme dans sa main. Ma personne et sa personne ne se sépareront pas tant qu'un de nous deux ne mourra pas. Ou tant qu'un de nous deux mourra. فتعجبت لذلك. Alors Abdurrahman ibn Auf a dit, j'ai été épaté par cela. فرمزني الآخر فقال لي مثلها. Et l'autre, il m'a aussi pris par la main. Et il m'a dit la même chose que l'autre. Ya ammi, hal ta'lifu Aba Jahl? Falam anshab an nadartu ila Abi Jahl yajulu fi an-nas. Qultu ألا إن هذا صاحبكم صاحبكما الذي سألتماني سألت سألتماني نعم. Et donc il dit j'étais en train d'observer pour voir Abu Jahl et je l'ai vu hein, entre les gens dans la bataille. Alors j'ai dit, lui, c'est votre compagnon à vous deux, yani, hein, entre guillemets, à propos duquel vous m'avez interrogé. Fabdarahu, fabtada, afan, fabtadarahu, bisayfayhima, fadarabahu, hatta qatalahu. Alors ils se sont hâtés, ils se sont dépêchés avec leurs épées pour pouvoir le frapper et ils le tuèrent. ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره. Alors ils se sont rendus vers le prophète صلى الله عليه وسلم, ces deux jeunes ansar, et ils l'ont informé de ce qu'ils avaient fait. فقال ايكما قتله. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lequel d'entre vous deux l'a tué? قال كل واحد منهما انا قتلته. Alors les deux ont dit, c'est moi qui l'a tué. Plus 2 2 1 7 5 6 4 9 4 8 9 8. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous avez nettoyé vos épées, yani du sang? قال لا قال لا. Ils dirent non. فنظر في سيف السيفين فقال كلاكما قتله. Il a regardé dans sur les deux épées, il a dit, vous l'avez tué, vous deux. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, ce qu'on appelle muttafaqun alayh. Voilà pourquoi ici, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit que dans la dunya, effectivement, Abu Jahl a été pris par son toupet lorsqu'il fut tué à Badr. ويحتمل أن يكون يؤخذ بناسيته يوم القيامة فيخذف في النار كما قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام dans surat Ar-Rahman. Et il est possible aussi que ceci indique qu'il sera pris par son toupet Yom al-Qiyamah, et qu'il sera jeté dans le feu de l'enfer, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens approché du verset, et les criminels seront reconnus par leurs traits, par leurs signes distinctifs. Hein? Ils seront pris par leur an-nawasi. An-nawasi, jam'u nasiya, c'est-à-dire par leur toupet et par leurs pieds. Les gens de l'enfer seront pris par leur toupet et par leurs pieds et seront jetés dans le feu de l'enfer. Na'udhu billahi min adhabin nar. Wa idha kanat al-aya salihatan lima'niyayn salihatan pardon lima'niyayn la yunaqidu ahaduhuma al-akhar fa in al-wajiba hamluha على المعنيين جميعا كما هو المعروف والذي قررناه سابقا وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين جميعا. Et ça, on a déjà vu cette règle. La règle du tafsir, c'est quoi? Si un verset peut vouloir dire deux significations et qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux significations, alors il est obligatoire de prendre ce verset sur ces deux significations, toutes les deux. Comme c'est connu dans la science du tafsir et comme on l'a déjà mentionné dans les versets précédents. Fahimtoum ? Nasiyatin kadhibatin khati'a. ثم قال الله سبحانه وتعالى ناسية كاذبة. ناسية هنا في الإعراب إلى Badal, ahsant. Badal. Pour ceux qui comprennent, an-nahu. Badal. Donc on dit nasiatin. Badal du mabdou qui est nasia dans l'autre verset. Bin nasia. Nasiatin kadibatin. Kadibatin ay annaha mawsufa bil kadib. Wa la shakka anna man min akbari ma yakunu kadiban. ما يحصل من الكفار الذي يدعون أن مع الله آلهة أخرى. Et donc elle est décrite, hein, ce toupet est décrit par le mensonge. Il n'y a pas de doute que le plus grand des mensonges, hein, c'est celui qui arrive, c'est celui qui a apparu de la part des mécréants lorsqu'ils ont invoqué avec Allah d'autres divinités. Il n'y a pas de doute que ça, c'est le plus grand mensonge. Donc ceci, hein, c'est le shirk, billah, hein, c'est la parole la plus mensongère. Et c'est l'œuvre la plus hideuse, la plus affreuse qu'on peut avoir. Donc ici, Allah Azza wa Jalla décrit, hein, ce toupet avec le mensonge. Nasiyatin kadibatin. Khati'a. Ay murtakaba lil khata. Amdan. Wa li ya'lam anna hunak farqan bayna khati wa mukhti. الخاطي من ارتكب الخطأ عمدا والمخطي من ارتكبه جهلا. Et il a décrit aussi avec, hein, خاطئة, yani l'erreur, erronée, celui qui a accompli, hein, l'erreur de façon fausse, mais de façon volontaire, de façon volontaire. Car sachez, mes frères, qu'en arabe, il y a une différence entre khati, al-khati, celui qui fait une erreur, mais qui l'a fait de façon volontaire. Ou al-murti, celui qui fait une erreur, mais sans faire exprès. D'accord ? Non ? Sans savoir. Sans savoir. D'accord ? C'est quoi la preuve ? La preuve de ceci, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Ils n'en mangeront pas, excepté qui ? Al-Khati'un. Ay, Al-Mathnouboun, Dhamban, An-Amdin. C'est-à-dire les pécheurs, ceux qui sont tombés dans l'erreur de façon volontaire. Donc là, Allah les appelait Al-Khati'un. Alors qu'Allah, il dit quoi dans le verset sur Al-Baqarah ? Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Oh Allah, hein, ne le prends pas en compte si nous avons oublié ou si nous avons fauté. Yani fauté de façon involontaire, de façon, hein, sans le savoir. Vous voyez la différence? Donc là ici, Allah Azza wa Jalla appelé Khati'a, celui qui a fauté, de façon volontaire. C'est pour ça que les gens du tafsir, ils disent quoi? Kadhiba ani fi qawliha wa khati'a fi fi'liha. C'est-à-dire mensongère dans ses paroles et de façon fausse ou de façon erronée dans ses œuvres. Hein? ثم قال الله سبحانه وتعالى فليدعو ناديا. اللامنا للتحدي. Hein? Et donc il appelle. Ici il y a le lem, hein, pour ceux qui fell. Il y a un lem ici qu'on appelle lem litahaddi. C'est pour défier. C'est pour défier. Allah, il défie. Falyad'u. Qu'il l'appelle. Yani, in kana sadiqan. Wa indahu quwwa. Wa indahu qudra. Falyad'u nadiya. C'est-à-dire, s'il est véridique. Il parle de qui là ? Abu Jahl. S'il est véridique. S'il a de la force, s'il a du pouvoir, alors qu'il appelle son assemblée. Parce que wanadi huwa mujtama'u al-qawm lit-tahadduth baynahum wat-takhatum wat-tafahum wal-istinas ba'dhum 'ala bi ba'd. بسم الله. Parce que Nadi, hein, c'est un regroupement de personnes. Ils se regroupent pour discuter d'affaires, hein, pour échanger, d'accord, pour faire comprendre des choses, etc. Hein, comme une assemblée. Hein, on se regroupe et on discute de choses, etc. Hein? Partisan? Ouais, il y a une assemblée. Nadi, c'est pas forcément péjoratif. Hein. Nadi, c'est une assemblée. Une assemblée. Pourquoi? Wa kana Abu Jahl mu'azziman fi Quraysh. ولو ناد يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شهونهم فهنا يقول الله عز وجل إن كان صادقا فليدعو ناديه. Parce que Abu Jahl, c'était quelqu'un qui était qui avait un haut rang, c'était quelqu'un qui avait une opposition chez les Quraysh, et donc il avait une assemblée dans laquelle les gens se regroupaient et ils discutaient de leurs affaires dans cette assemblée. Alors Allah ici lui dit, si il est véridique, alors qu'il appelle son assemblée. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un défi qu'Allah Azza wa Jalla lui lance. Comme tu dis li aduwik in kana laka qawm fataqaddam wa ma ashba dhalika min al kalimat ad dalla ala al tahaddi. Comme par exemple, hein, si tu as un ennemi et qu'il a son clan, il a son groupe, ou hein, comme on pourrait dire avec le langage actuel, il a sa bande. Hein? Quand tu dis à ton ennemi, ramène tes gens, ramène ton groupe, ou ce genre de parole, hein, qui appelle à quoi? Au défi. Sanad'u zabaniya. Allahu Akbar. Yani, indana man hum a'zamu min nadi hadha ar-rajul wa hum az-zabaniya malaikatun nar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous on va appeler az-zabaniya. C'est-à-dire, nous avons ce qui est plus exceptionnel que l'assemblée de cet homme, hein, que le groupe de Abu Jahl. C'est qui est Zabaniya? C'est les anges gardiens de l'enfer. وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ مَلَائِكَةَ النَّارِ بِأَنَّهُمْ غِلَاذُ الشِّدَادِ غِلَاذُ فِي التَّبَعِ شِدَادُ فِي الْقُوَّةِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les anges de l'enfer en disant qu'ils sont rudes, qu'ils sont forts, qu'ils ont de la force. La ya'suna Allah ma amarahum. Allah azza wa jalla nous dit, hein, qu'ils ne désobéissent pas à Allah sur ce qu'il leur a ordonné. Bal yatamathaluna kullama amarahum Allah bi. Mais plutôt ils suivent, ils obéissent à tout ce que Allah leur a demandé. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et ils font ce à quoi ils ont été ordonnés. لَا يَعْجُزُونَ عَنْ ذَلِكَ فَوَصَفَهُمْ بِوَصْفَيْنِ أَنَّهُمْ فِي تَمَامِ الْإِنْقِيَادِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَا يَحْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَأَنَّهُمْ فِي تَمَامِ الْقُدْرَةِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, hein, les a décrits avec ces deux caractéristiques. Hein, c'est-à-dire la parfaite soumission à Allah. La parfaite soumission à Allah. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur a ordonné. Ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est la perfection dans leur force, dans leur pouvoir. Hein, et ils font ce qu'ils ont été ordonnés de faire. وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. C'est-à-dire le fait de ne pas accomplir ce que Allah t'a ordonné. Ça peut être pour deux raisons principales, ou pour deux raisons. La première, l'incapacité. Tu es incapable de le faire. La deuxième, par désobéissance. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون العجز. Par exemple, quelqu'un qui ne prie pas la prière obligatoire debout, ça peut être pourquoi? Parce qu'il peut pas, il est incapable, il est handicapé, il peut pas prier debout. Donc est-ce que c'est de sa faute? Non. Donc il est incapable, il a l'incapacité. وقد يكون للعناد فهو لا ينفذ امر الله. Et la deuxième raison, c'est qu'il le fait par reniement. Non, je le fais pas. Par désobéissance. Par désobéissance à l'ordre d'Allah. Quand tu ne fais pas un ordre, quand tu ne mets pas en application un ordre d'Allah, ça peut être pour une de ces deux choses. Soit tu es incapable, tu as l'incapacité. Soit quoi? Soit tu as désobéi à Allah. طيب ابن الزنج لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز بل عندهم قوة وقدرة وليس عندهم استكبار عن الأمر بل عندهم تمام التذلل والخضوع. Mais les anges qui gardent l'enfer, ils ne connaissent pas l'incapacité. Ils sont capables, ils ont la force, ils ont le pouvoir de faire sur quoi ils ont été ordonnés ou ce pourquoi ils ont été ordonnés. Tout comme ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont une servitude, hein, et une obéissance complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez ici, mes frères. Allah azza wa jalla met au défi Abu Jahl, celui qui empêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier, en lui disant فَلْيَدْعُ نَادِيَ, alors qu'il appelle son assemblée. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ, nous allons appeler les gardiens de l'enfer. Et vous savez, les gardiens de l'enfer maintenant, vous comprenez qui sont les gardiens de l'enfer. Qu'est-ce que son assemblée va faire contre les gardiens de l'enfer, hein? Ici, il y a une faïda qui est intéressante, qui rentre dans la langue arabe. Pour ceux qui ont un peu l'arabe, on va la lire pour que vous compreniez. Et pour les autres, j'espère que ça va vous donner envie d'apprendre l'arabe pour comprendre. سندعو الزبانية فإن قال قائل أين الواو في قولي سندعو. Le verbe دعا يدعو, il y a quoi à la fin? واو. Allah dit سندعو, normalement c'est سندعو avec un واو, hein. قلنا إنها محذوفة لالتقاء الساكنين لأن الوا ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر وإن كان غير صحيح حذف. Hein? Ici le voix il était effacé, enlevé. Pourquoi? Pour la rencontre des deux soukounes. Quand je dis sanadou, il y a une soukoune sur le voix. Et après il y a quoi? Az-zabaniya, alif lam. Et le alif, le premier ici, il est ce qu'on appelle hamzatul wasl. C'est-à-dire, c'est un hamza qu'on ne prononce pas quand il est au milieu de la phrase. Et donc, il est comme une soukoune. Il y a deux soukounes qui se rencontrent. Quand il y a deux soukounes qui se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? La lettre, la première lettre de cette rencontre, si c'est une lettre qui est sahih, hein, qui est, comme ils disent, ils traduisent comment en français? Elle est saine, barakallahu fik. Non, elle est saine. Parce qu'il y a des lettres en arabe qui sont saines et il y a des lettres qui sont entre guillemets malades. Les lettres malades, c'est quoi? Alif, Ya, et Waw. Si la lettre est saine, donc autre que Alif, Ya et Waw, alors elle va se transformer la soukoune en kasra. Comme par exemple, Lam yakunil ladhi na kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil ladhi. Normalement, le verbe c'est yakunu. Yakunu. On a mis devant lem. Ça veut dire que le lem, il va rendre le verbe après avec une soukoun. Donc lem yakun. Hein? Le problème, c'est qu'après, il y a quoi? Alladhi. Deux soukoun. Donc le nun, on ne dit pas lem yakun alladhi. On dit lem yakunilladhi. Parce que c'est une lettre qui est saine. Maintenant, le problème, c'est qu'ici, ça n'a de uzabaniya. La lettre, elle est malade, entre guillemets. C'est un waouh. Donc quand c'est une lettre malade, يعني إذا التقى سكنان إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حلوف العلة, on a dit كسرة مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا. لكن هنا التقى ساكنان وكان الأول حرفا صحيحا, فأما إذا كان الأول حرف اللين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف كما في هذه الآية سندعو الزبانية. Si c'est une lettre malade, hein, alors on va l'effacer la lettre. On l'efface. سندعو الزبانية. المهم, ça c'est pour la petite faïda linguistique, comme on pourrait dire. Et il termine, Allah subhanahu wa ta'ala dit كَلَّا لَا تُطِعُ وَاسْجُدُ وَقَتَّارِبُ. كَلَّا, on l'a vu, comme tout à l'heure. Hein, la même chose qu'on a dit tout à l'heure. لَا تُطِعُ أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة. C'est-à-dire, n'obéis pas. لا تطع, ne lui obéis pas. N'obéis pas à cet homme qui t'interdit la prière. بل أسجد, وَلَا تُبَالِي بِهِ. Mais plutôt, prosterne-toi, hein, et tu te n'occupes pas de lui. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ نَهَى النَّبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتِيعَ هَذَا الرَّجُولُ فَلَا يَعْنِي أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى سَيُدَافِعُ عَنْهُ. الله أكبر. Et si Allah Azza wa Jal a interdit son messager sallallahu alayhi wa sallam de suivre ou d'écouter cet homme, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que Allah Jalla wa Ala, il va le défendre. Il va le défendre. يعني افعل ما تؤمر ولا يهمك هذا الرجل واسجد لله عز وجل. C'est-à-dire fais ce qu'on t'a ordonné de faire. Et ne t'occupe pas de cet homme. Prosterne-toi devant Allah Azza wa Jal. وَالْمُرَابِ سُجُودُنَا الصَّلَةِ. Et ici, le sens de sujoud, hein, وَسْجُود, c'est-à-dire prie, la prière. Le sens de sujoud, la prosternation ici, c'est en fait la prière. Pourquoi? لَكِنْ عَبَرَ بِالسُّجُودِ عَنِ الصَّلَةِ لِأَنَّ السُّجُودِ رُكْنٌ فِي الصَّلَةِ لَا تَسِعُ إِلَّا بِهِ. Ici, Allah a mentionné le mot sujoud pour vouloir dire la prière, car le sujoud, mes frères, c'est un pilier de la prière. Et sans lui, la prière ne peut pas être valide. C'est pour ça qu'il a mentionné, ou il a mentionné le mot sujoud pour parler de la prière. أي اقترب من الله عز وجل لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. أي rapproche-toi, يعني rapproche-toi d'Allah عز وجل. Pourquoi? Car celui qui se prosterne, c'est à ce moment-là qu'il est le plus proche de son Seigneur Subhanahu wa ta'ala, car notre prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, le moment où le serviteur est le plus près de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Wa qala alayhi salatu wa salam ala wa inni nahitu an wa inni عفواً. ألا وإني نهيت نعم أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le hadith précédent, hein, est rapporté par l'imam Muslim. Et là un autre hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم dit: et j'ai certes été interdit de lire le Coran alors que je suis en ركوع. Quand tu es en rukou, tu n'as pas le droit de lire le Coran. Et aussi quand je suis en sujoud. D'accord? Quant au rukou, alors prononcez la gloire de votre Seigneur. Prononcez la gloire du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit Subhan Rabbi al-Azim. Hein? Subhan Rabbi al-Azim. Et lorsque vous êtes en sujoud, multipliez les invocations. Hein? Et vous serez en droit qu'elles soient exaucées pour vous. D'accord. فهذه سورة العلق سورة عظيمة ابتدها الله تعالى بما من به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. Cette sourate, mes frères, cette sourate Al-Alaq, c'est une sourate extraordinaire. Allah Azza wa Jal a débuté cette sourate en mentionnant les faveurs qu'il a données à son messager dans la révélation. Et il termine cette sourate en mentionnant la prosternation et le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا القيام بطاعته والقرب منه وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحسبه المفلحين وعباده الصالحين إنه على كل شيء قدير آمين. Ici le Cheikh, il invoque, on demande à Allah Azza wa Jal de nous octroyer le fait d'accomplir son obéissance, yani l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de se rapprocher de lui. Et on lui demande de faire de nous des alliés, de ses alliés subhanahu wa ta'ala, parmi ses pieux, et parmi son groupe hein, de ceux qui seront vainqueurs, hein, et de ses serviteurs pieux, et c'est lui qui est certes capable de toute chose. Avant de terminer donc cette explication, j'aimerais qu'on mentionne ici une chose qui est sujoud at-tilawa. Car comme vous pouvez le voir sur certains masahif, sur certains exemplaires du Coran, à la fin il y a quoi? Le signe de la prosternation, de la récitation. Donc là c'est le moment d'en parler. Il faut savoir mes frères que sujoud at-tilawa, c'est une sunna. C'est une sunna. Et c'est ghayru wajiba. Hein, c'est une sunna mais qui n'est pas obligatoire. Hein, quand tu lis, hein, et que tu arrives à un sujoud de la prosternation, c'est une sunna, c'est recommandé de le faire. Mais ce n'est pas obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché, premièrement. إِذَا مَرَّ بِهَا الْمُؤْمِنِ فِي خَارِجِ الصَّلَةِ سَجَدَ وَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الطَّهَارَةِ عَلَى الصَّحِيحِ. Donc si tu lis un verset du Coran et tu tombes sur un verset où il y a prosternation de la récitation, tu te prosternes, même si tu n'es pas en état de purification. Selon l'avis le plus juste, comme l'a mentionné Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si c'est dans la prière. Si c'est dans la prière. Donc, il est légiféré, quand dans une prière à voix haute, de se prosterner. L'imam se prosterne, ou celui qui prie tout seul, et il prie à voix haute, il se prosterne lorsqu'il tombe sur un verset avec un sujoud tilawa, une prosternation de la récitation. D'accord ? Donc s'il finit le verset, il dit Allahu Akbar et il descend directement. Et ensuite quand il se relève, il redit Allahu Akbar et il se relève pour continuer la récitation. Ça c'est dans les prières à voix haute. Si c'est la prière à voix basse, il ne se prosterne pas. Pourquoi ? Parce qu'il va perturber ceux qui sont derrière lui. Imaginez-vous, hein, il reste à voix basse, au bout d'un coup il se prosterne, hein, personne ne va comprendre pourquoi, etc. Donc l'ulama explique que si c'est à voix basse, l'imam ne se prosterne pas. Ça c'est deuxième chose. Troisième chose, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on se prosterne, hein? Sujoud at-tilawa. Yaqul mithla ma yaqul fi sujoud as-salah. Il dit comme il dit dans la prosternation de la prière. Subhana rabbil a'la, subhanak allahumma rabbana wa bihamdik, allahumma ighfir li. Et aussi il peut dire, comme ont rapporté certains ulama, allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Ça c'est une invocation aussi qu'on peut dire dans la prosternation de la récitation. Dernière chose, quels sont les passages où on peut se prosterner? Ittafaqa al-ulama ala sujoud at-tilawa fi 10 sajadat. Fi 10 sajadat, pardon. Les ulama ont été tous unanimes sur 10 versets dans lesquels on se prosterne. Hein, dans sourate al-A'raf, j'ai pas les numéros, mais vous les retrouvez, Inch'Allah. Soit Al-A'raf, si je me trompe pas, c'est le dernier verset, n'est-ce pas, de la surat. Soit Al-Ra'd, surat Al-Nahl, surat Al-Isra, surat Maryam, surat Al-Hajj, surat Al-Furqan, surat Al-Naml, surat Al-Sajda, c'est pour ça qu'elle a été appelée Sajda, et surat Fussilat. Ça, c'est les 10 où ils sont d'accord, les ulema, pour dire qu'on se prosterne. Et il y a 5 autres versets où les ulémas ont divergé. Voilà pourquoi vous avez certains mushaf, il n'y a pas écrit certaines prosternations que vous pensez peut-être qui se trouvent. D'accord ? Les 5 qui sont dans lesquels ils ont divergé, c'est la deuxième dans surat Al-Hajj. Dans Al-Hajj, si vous prenez le mushaf en hafs, vous verrez que dans Al-Hajj, il y a 2 sajda. Il y a 2 prosternations. Également, surat Sad. Hein ? Ça fait 2 où ils ne sont pas d'accord, où ils ont divergé. Également, surat deux, et les 3 surat, pardon, du Mufassal. Les 3 surat du Mufassal qui sont Al-Najm, qui sont quoi d'autre? Al-Inchiqaq, Et enfin, Al-Alaq. C'est pour ça que beaucoup d'imams, des a'imma, hein, des mosquées, vous voyez, Al-Inchiqaq, ils ne se prosternent pas. Al-Najj, ils ne se prosternent pas. Al-Alaq, ils ne se prosternent pas. Car certains voient qu'il n'y a pas de prosternation à ce moment-là. Il y a une divergence entre les savants depuis les premières générations. D'accord ? Al-Muhim, c'était un petit résumé très bref de la prosternation de l'arrestation, qu'on verra plus en détail dans les cours de fiqh, Inch'Allah. Et avec ça, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, on a terminé l'explication de Surat Al-Alaq. Et on pourra passer, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine à Surat At-Tin, Inch'Allah ta'ala. فجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم